Colmambi Music jeudi 7 décembre 2014, deuxième volet de notre dossier Tradition jeudi. Lors de notre précédent volet de notre dossier Tradition jeudi, nous avons posé la problématique de la folklorisation des musiques antillaises et expliqué le cheminement de la valorisation du belay et du groka, considérés aujourd'hui en Martinique et en Guadeloupe comme des cultures fondatrices, toutes deux issues d'un contexte commun, celui de la mise en esclavage d'Africains dans les colonies d'Amérique. Ces formes musicales se sont construites sur des remémorations et des croisements de pratiques rituelles de différentes nations d'Afrique et sur l'adaptation aux conditions matérielles et humaines propres aux îles des Caraïbes sous domination française. Longtemps rejetées car ne correspondant pas aux standards européens de la civilisation, ces musiques au tambour sont devenues incontournables en ce début de XXIe siècle. Elles constituent pour certains artistes antillais actuels une source majeure d'inspiration et peut-être le vecteur d'une affirmation identitaire ouvertement affichée. Avec le combat pour la valorisation des cultures de Guadeloupe et de Martinique à partir des années 50-60, les premiers enregistrements et disques de belay et de groka sont apparus. C'est à cette même période que des musiciens ont commencé véritablement à intégrer le tambour dans leur musique. En Martinique, Franz Charles, dit Francisco, disparu le 18 avril 2013, crée son style Biguine Lélé, mêlant biguine et belay. Sur les productions de disques Cellini, le groka se mêlait déjà aux influences biguine et latine, avec Robert Loison notamment. C'est dans les années 60-70 que s'est véritablement révélé le combat pour la valorisation des langues, des musiques, des cultures propres à la Guadeloupe et à la Martinique. C'est par ce combat que des musiciens se sont lancés dans une réflexion sur les modalités de développement, de transmission et de préservation du groka et du belay dans un espace culturel en pleine transition, où le monde paysan et la vie des plantations disparaissent peu à peu pour laisser place à une société de services et de consommation durablement tournée vers l'extérieur, nécessairement mondialisé. En Guadeloupe, le guitariste militant Gérard Lequel a entrepris un travail de codification du groka afin, dit-il, d'en faire une musique de haut niveau à l'échelle internationale avec sa propre science. Il a défini les caractéristiques mélodiques du groka qui, selon lui, s'articulent autour de gammes modales et atonales. Il les décrit dans son traité du groka moderne, fruit de travail de 18 ans. C'est le 11 décembre 1969, lors d'un concert au cinéma Le Plaza de Pointe-à-Pitre, qu'apparaît pour la première fois sur scène le groka moderne. Nous célébrons donc ses 45 ans cette année. Gérard Lequel a voulu imposer une base théorique pour adapter au code propre du groka les instruments contemporains courants type guitare, saxophone, batterie, de façon à ce que le groka ne soit jamais dénaturé. Une vision puriste qui n'a pas fait l'unanimité en Guadeloupe, mais qui a le mérite de poser la question du respect de l'esthétique, du sentiment musical et surtout de l'autodéfinition de l'art groka. Côté martiniquais, dans le même esprit, Edmond Mondésir et Léon Bertide, avec le groupe Bel et Nous, figurent parmi les premiers à travailler sur une forme instrumentale du belay dès la fin des années 70. Il y a aussi Étienne et Casimir Jean-Baptiste qui, avec le concept Welto, ont proposé une transcription des principes structurants du belay par les instruments contemporains, c'est-à-dire de pouvoir jouer du belay sans nécessairement utiliser les instruments propres au belay. Mon maï, on nous montait sur le tambour. Dans les années 2000, des projets musicaux ont mis à l'honneur le rapprochement entre les générations. Le projet de Kali, Mele Boom Bap, c'est non qui capable, l'on est qu'on joue en tout cas. Oh là où y est, la street est serrée, respirer, assez serré, plairé. Oh là où y est, nous n'y force plus fort. On loue et c'est vrai, faut que nous coumer. Le projet de Joby Bourguignon et Michel Allais, de Benka, en Guadeloupe, 2003. Maman zombie, barrez-moi. Les tambouillés zombie, la barrez-moi. Moi dis maman zombie, barrez-moi. Les tambouillés zombie, la barrez-moi. Moi dis maman zombie, barrez-moi. Les gagnants bois zombie, la barrez-moi. Moi dis maman zombie, barrez-moi. Et les anges zombie, la barrez-moi. Moi dis maman zombie, barrez-moi. Et l'amiral zombie, la barrez-moi. Moi dis maman zombie, barrez-moi. Zombie la barre moi. Moi dis maman zombie barre moi. Et l'amiral zombie la barre moi. Moi dis maman zombie barre moi. Des cafés sont des as zombie barre moi. Moi dis maman zombie barre moi. Tout le monde sont des as chante des zombies barre moi. DJ Jackson avec la compilation Contradiction en 2005. DJ Jeff avec Cavalier aux Dames, lauréat en 2006 du prix SACEM Martinique de la meilleure recherche musicale. C'est pas les tunes qu'à jouer. Cavalier aux dames pour faire tout le monde en bouger traditionnellement. Alors il dit m'a encastisé. Donc allez, c'est pour faire tout le monde en santé. C'est pas pour les sandwichs, c'est pas les tunes qu'à jouer. Dans l'histoire des musiques antillaises, la question de l'authenticité des traditions et des cultures du pays à l'épreuve des influences extérieures s'est toujours posée. De la rencontre entre pratiques étrangères et pratiques du terroir sont nés bon nombre de genres musicaux, dont les emblématiques Biguin et Zouk. Et c'est une richesse particulière pour des petits territoires comme la Guadeloupe et la Martinique. Aujourd'hui, l'enjeu sera de savoir ce que l'on fait de ces richesses patrimoniales. Jusqu'à quel point doit-on être pour eux au souffle du monde ? Aujourd'hui, nous écouterons deux acteurs des musiques actuelles de Guadeloupe et de Martinique qui ont entamé un travail autour de l'intégration du gros cas et du bel air dans la pratique de la composition hip-hop, le beatmaking. Donc restez à l'écoute. Musique nous vit Joe, c'est pas folklore. C'était La Voix pour Conlambi, musique jeudi. Ça nous s'agirait ça bien. Et reste-moi pas moyen qui croyant. La fois qu'à rendre nous plus vaillant. Goumen nous qu'à goumen, nous pas chien. Chez qui chien pas mérite sa chien. Est-ce où est mon et la vie à chien. Débrouillasse des puis pas péché. En job official y'en en cachette. Vomé ça qui a pis si gâchette. Gâcher la vie moun bâti saché. Washé la mort pas ti caché. Bibi non. Pipi ripa compagnie tant bigidi. Depuis le lundi, vivre samedi midi. Les yeux du trimé, on savent ça, ça les dit. Qui valait la vie, y'a pas besoin du lit. Y'a dit c'est grandi, y'a fait ça qui dit. Tout le monde, y'a mis, c'est fait, il fait petit. C'est poussé en canyon, on courit vini. L'esprit a jeudi, c'est au bikini. Les ouais, ma chie pour ta petite tigri. Tata ce café qui ou envie dit oui. Mais les lacols a pris, c'est pris, pris. Laissez qu'on ça aux gens, ça fait ça qui ni. Moi-même, Boogie, on parle victime ni. Ma pas qu'à jouer à cette compagnie. Pour le gonti ou qu'à venir mini. Et c'est plus pini, pas fini pini. Des sociétés à Ikomboa, car tout fait avant Valé et tout quoi. Brigitte Nam Jerry à Congoa, des fonds quand on a eu en l'école là. Check ex à Kako les épaules là. Adam Kouskouya Puchoa, Simi qui te baille à la IEA. Régler ses factures à Eloyea. L'assassin qui a tombé à l'Eilea. Toujours les nous a quatouillons des mois. Ensemble, nous pop là et bel air. Et ben, moi, pas ni d'autres là, c'est plus belle là. Bonjour tout le monde, vous êtes dans Conlambi Musique Jeudi, premier dimanche de chaque mois, l'émission consacrée aux musiques actuelles créoles, Martinique, Guadeloupe. La musique que vous entendez, c'est Boogie Flaha, un MC compositeur de Martinique. Et Musique Jeudi, aujourd'hui, c'est le deuxième volet de notre dossier Tradition Jeudi. Nous avons parlé la dernière fois des musiques racines de Martinique et de Guadeloupe, respectivement le Belay et le Groka. Et aujourd'hui, nous allons montrer encore une fois comment la tradition reste vivante à travers un certain nombre de fusions. Et pour ça, eh bien, on pense que l'une des musiques qui fait le meilleur travail à ce niveau-là, c'est le hip-hop créole. Alors on va aller chercher ceux qui ont poussé, qui ont fouillé dans ces musiques pour proposer un son actuel qui mériterait d'être davantage exposé. Donc on va discuter avec Boogie Flaha, qu'on entend. Pour parler de la fusion avec le Belay. Puis ensuite, on parlera aussi avec Exos de la Guadeloupe et de son phénomène Kako Music. Tout de suite, Boogie Flaha. Sur les premiers titres des Nèg qui pa ka fè la fête, on ressent l'influence new-yorkaise début des années 90 dans les productions, les boucles avec un gros breakbeat. Mais quand l'album des Nèg Made in Nina sort, on peut identifier davantage de samples et sonorités locaux et un son hip-hop inédit totalement assumé. Comment en êtes-vous arrivé à cette démarche? La démarche, elle est simple. Déjà, bon, c'est une évolution. On a commencé les débuts, on était vraiment influencés, etc. On ressent toujours cette influence dans notre musique. Mais il y a eu cette volonté de développer quelque chose de vraiment local qui nous ressemblait, ce qu'on vivait, ce qu'on ressentait. D'où déjà le rap en créole et puis le choix des samples aussi. C'est aussi... Après plein de discussions avec d'autres personnes qui nous suivaient, qui écoutaient notre musique, qui nous ont suggéré de fouiller plus profond dans nos racines, dans les samples et tout ça, quoi. Voilà. Tu es le beatmaker principal de cet album Made in Nina, avec aussi Neg Lyrical et Dédé de Deus. Peux-tu nous parler du travail de production sur cet album, qui à ce jour reste pour beaucoup le grand classique du hip-hop créole? L'ambiance, c'était comme on avait une seule MPC déjà pour le groupe. Ça arrivait des fois qu'une semaine, la MPC se retrouvait chez Lyrical pour qu'il puisse faire du son, une autre fois chez Dédé, une autre semaine chez moi, ou alors on se retrouvait tous les trois pour faire un instru. Pareil pour les vinyles, j'avais des vieux vinyles de mes parents, Lyrical avait des vieux vinyles des siens, de Deus pareil, et on fouillait là-dedans, quoi, on trouvait nos samples. Et même parfois, on pouvait utiliser les mêmes disques et pas avoir le même feeling pour un sample dans le même morceau, quoi, en fait. Et c'est ça qui était bad. Pour la démarche, ça a été naturel. On avait déjà cette volonté de comme j'ai dit tout à l'heure, de chercher dans les samples locaux. Donc ça a été facile, quoi. Après, c'était au feeling, à la vibe. Il y a un peu... C'est un peu un mélange parce qu'il y a du local, il y a de l'américain, il y a... Dès que ça sortait d'un vinyle, qu'il y avait de la musique, une vibe, on le mettait à notre sauce. Je parle clair avec une voix voilée comme dans le ballet, mais mon du match comme Pelé. Chacun d'entre nous, on avait créé notre propre banque de sons à partir de ces vieux vinyles justement. Je récoltais des pieds de batterie, des caisses claires, des snares, des hi-hats, des cymbales, des sonorités, des bouts de sons pour tout coller ensuite pour faire un instru en fait. Donc ça allait de la flûte au cuivre, tout ce que je pouvais récolter. Le choix des samples, c'est avant tout black music. Tu peux retrouver du Stevie Wonder mélangé à de la Perfecta, à du Frère des gens, à du Exile One, à du James Brown, black music. Après, c'est une question de rythmique, de clave, de tempo, de groove. Tout ça donne notre musique jusqu'à nos jours. Procédier, yes, comme de la braise. Je canalise, j'analyse. Mon charisme te paralyse. Et ton crew se banalise. Original comme la genèse. Je brûle ta fraise. Ton procédier, yes, comme de la braise. Lorsque j'ai fait écouter cet album à un ami beatmaker il n'y a pas si longtemps, il n'en revenait pas que cet album soit sorti en 98, notamment pour la qualité du son, le minimalisme des prods très avant-gardistes, avant l'époque des Neptunes, tout ça, ou les styles plus récents, style snap music, etc. Comment en êtes-vous arrivé à une telle qualité de mix? Comment êtes-vous venu à ce minimalisme génial sur des titres comme Lyrical Dambier, qui tranche avec ce qui se faisait à l'époque, et avez-vous pâti de cet avant-gardisme en Martinique et en France également? En petit quotidien, d'où vont gominer. Combat la raide, mais fort qu'en dominer. Faut roucler, j'en dis bon dominer. Pas la peine fait ciné, c'est la destinée. Ou fait zinzin, pour penser à badiner. En prier bon Dieu, fait la pluie fifine. Pour éteindre, dit fait qui ou même l'humain. On doit cette qualité de mix déjà à notre rigueur dans le travail. On était très derrière notre musique. Jusqu'à maintenant d'ailleurs. Et pour le résultat final, on doit big up les ingés de Hibiscus Records de l'époque. J'oublie leur nom malheureusement, mais ils se reconnaîtront. Yvan Brard était assistant à l'époque d'ailleurs. Big up à lui. Et oui, ils ont vraiment pris le travail au sérieux. Donc ça donne effectivement ce résultat avec notre musique qui reste un classique. Ben, pour le minimalisme, on en vient à l'essentiel. Une mélodie, un rythme, une vibe, un tempo, une clave. Comme quand tu écoutes un Dambier, un Bellet, c'est juste le tambour. On a surtout pâti de manque de moyens à l'époque pour mettre en avant notre musique. Parce que les gens reconnaissaient qu'elle était de qualité, on avait de bons retours. Pour ce qui est de la France, c'est surtout la barrière des langues. Et en plus on a été quelque part mal distribué puisqu'on s'est retrouvé dans Musique du Monde. Donc pour promouvoir, si tu vas à la radio, tu essaies de tu parles de ton album, les gens vont le chercher, ils le trouvent pas parce qu'ils se retrouvent dans les Musiques du Monde quoi. Pour ce qui est de la Martinique, c'est notre message a toujours été le même. On est resté militant, mais ça, apparemment ça plaît pas aux radios commerciales. Donc jusqu'à maintenant, que ce soit nous ou d'autres, la musique qu'on fait passe pas en radio. Donc voilà, c'est tout. C'est qu'on s'amappe Kabali. Y'en des têtes, bien en bas gauche, gadi oui, monsieur. Sur ton premier album solo, Travail intérieur, tu es allé encore plus en avant dans l'intégration de musique traditionnelle dans ton hip-hop. Belé boom bap ou hip-hop belé? Belé boom bap. Musique net, crier musique blanc, c'est bon mal. Quand on m'a coûté, y'a pas. quand le concept et l'idée est née, j'étais encore en France. Je suis arrivé peu après, en fait. Pour ce projet-là, j'ai juste suggéré une ligne de basse, en fait, pour la petite histoire. Mais il me semble que c'est Kali. Kali est à l'origine du concept et du nom, il me semble. Faudrait lui poser la question directement. Ben, il y avait un Belle et Boom Bap 2 qui était déjà en préparation. On avait quelques morceaux déjà, au moins un morceau déjà enregistré. Mais je ne sais pas, peut-être qu'on a manqué de courage pour continuer. Parce que c'est vrai que le premier déjà, ça a été difficile. Ça a été difficile pour les frères de travailler, quoi, de le promouvoir, tout ça, de se produire avec. Tu ne te contentes pas de sampler du belay, mais tu l'analyses, le danses, le chantes. Raconte-nous ton cheminement. Ben déjà à l'époque, comme j'ai dit tout à l'heure, on travaillait déjà dans ce sens avec les nègres, cette recherche, l'approfondissement et tout ça. Donc effectivement, je me suis mis de plus en plus à écouter du T-Emile, du Mona, du Maxilla, des choses comme ça, et à ressentir la musique de plus en plus. Mais c'est vraiment quand j'ai intégré le monde belay en 2002 que j'ai compris certaines choses, le sens de la musique. Et à force, c'est rentré en moi. Maintenant, quand je l'exprime, j'exprime ce que je ressens par rapport au belay et par rapport au hip-hop. Chaque l'un en carpédier, en commande protégé, pas éco point de CG, ou pigé, mange à pigé, ça va si c'est passant, mon adieu partigé, on est lassé, tout ça va tigé, mais tiens, mon nec agit, c'est pas tigé, c'est couillant qui sait, bon, c'est vie, si j'ai couillon sous, comprendre, ou pas capriché, cabèche, je sais pas, wesh, intelligence, café chien, il se chie sous, comprendre, ou pas, mais c'est vie que biche, demain, moi, avec madame, mon contenu yish, avec un peu kenny, en gros, bois, pour papa, c'est pour ça, me cagade, pour ça, j'irai passer des bouillards. Une chose qui frappe sur l'album, c'est qu'il y a quasi systématiquement du tibois, mais très peu de tambour. L'association des deux percussions étant la base du belay, comme la grosse caisse, la caisse claire et le charlet seraient la base du rap. Je crois comprendre que ça changera sur le deuxième album, notamment avec le morceau inédit D. Peux-tu nous expliquer pourquoi et qu'est-ce qui définit pour toi musicalement le hip-hop belay? Ben, je te dirais une chose, c'est que l'ayant fait écouter un très bon ami tambouillé, il m'a dit ressentir dans ma musique le tambour belay, même si on l'entendait pas franchement à part sur un morceau en moué. Le fait déjà qu'il y ait le tibois et la façon, le rythme, les syncopes que j'utilise pour faire ma musique, il ressentait déjà le tambour belay. Donc voilà pour ça. Et effectivement, pour mon prochain album, il y aura du tokeini tambour belay. Papa Bassa. C'est vrai que sur le premier aussi, j'ai travaillé beaucoup dans ma bulle, dans mon coin. Donc c'est vrai que j'ai pas fait la démarche de me rapprocher non plus d'autres musiciens qui auraient pu apporter quelque chose à l'album. Là, c'était vraiment all by myself. Ce qui définit pour moi le belay boom bap musicalement, c'est une bonne maîtrise de son hip-hop, de son rap, et une bonne maîtrise de son belay. Pour moi, ce sont des années d'expérience. Quasiment 40 ans de hip-hop, quasiment 20 ans de belay. Voilà, c'est plus l'expression spirituel, c'est plus un ressenti qu'une démarche technique ou autre. C'est vraiment la vibe et c'est comme ça que je l'exprime. Hip-hop is a way of life. Belay, c'est en manière vive. Comment associes-tu les deux? Il ne s'agit pas simplement de mêler des codes musicaux. Déjà, pour Young, il faut que ce soit que musique, c'est musique. Musique nègre, c'est musique nègre. Black music, c'est black music. Donc, à partir de ce principe, si tu comprends ça et si tu as une certaine maîtrise, si tu respectes ce que tu fais, que tu aimes ce que tu fais, ça va au-delà d'un mélange. C'est comme ça que je le ressens, c'est comme ça que j'essaie de le faire ressentir aux gens. Donc, je m'en sais un mama hip-hop, m'en sais un mama belé. I am hip-hop, I am belé, tout simplement. Tu produis sur pas mal d'albums de rappeurs locaux, Crimi, Rachid, Lyrical, mais rarement en hip-hop belé, me semble-t-il. Davantage avec une couleur hip-hop plus classique. Est-ce qu'on te sollicite peu dans ce style ou le réserves-tu pour toi? Ben, j'essaye de m'adapter, je m'adapte à la demande, à ce que recherche l'autre MC. Je me mets dans sa vibe, dans ce qu'il aime. J'essaye de glisser ma patte, bien sûr, donc qui est senti en titibois par là, ou qui est senti en bail par là, mais j'essaye de respecter ce qui m'est demandé. C'est vrai que les frères sont moins portés sur le belay boom bap que moi, donc j'essaye de rester classique dans ma démarche avec eux, en mettant ma signature. Et ça avoue mon petit côté égoïste aussi, moi, me laisse au moins en bon qu'à garder, bah, comme moi aussi. Quel retour as-tu de la part du mouvement hip-hop et du mouvement belay? Les deux peuvent être bloqués sur leur format. Ben, je suis confronté à deux cas quand même. J'ai de très bons retours, je dois dire, de la part des mamas et de la culture hip-hop et des mamas et de la culture belay. On ressent que c'est un travail sérieux que je fais, qu'il y a une qualité, donc c'est reconnu. Après, c'est vrai qu'il y a des puristes. Il y a des frères, il y a un frère qui m'a déjà dit qu'il aimerait bien m'entendre sur un bon hip-hop classique, qu'il n'aime pas trop la fusion, tout ça. Bon, ça, c'est son feeling, c'est son ressenti. Après, on ne peut pas plaire à tout le monde. Côté belay, bon, c'est ma maïla, Yuka Tchek, bah, elle a bien, quoi. Bon, moi, j'ai essayé de choquer aussi, chanter belay, mais ça, c'est un autre bagaille aussi. J'ai le sentiment que les dernières générations de rappeurs respectent votre travail, mais n'en prennent pas forcément le relais en termes de recherche musicale, de créativité, et souvent se contentent de rapper en créole sur les sons du moment. Quel est ton avis? Ben, c'est vrai qu'on n'a pas tous la même définition, la même notion de ce qu'est le rap créole, en fait. Effectivement, c'est comme quand on te dit, quand on te parle du rap français, il y a ceux qui rappent en français, il y a ceux qui font du rap français, il y a plusieurs notions. Quand on rappe créole, c'est vrai que c'est d'abord une question de langue, mais c'est pas que ça. En tout cas, au niveau de certains de notre génération, de ce qu'on a fait comme travail, ça va au-delà de ça. C'est vraiment un combat identitaire, vraiment pour affirmer notre identité, notre culture. Donc ça passe par la langue, par ce qu'on véhicule comme message, par le type de musique qu'on va jouer, la manière qu'on va créer notre musique, créer nos textes. Et c'est vrai que ça échappe un peu à certains rappeurs de la nouvelle génération. Il y a déjà la démarche de rapper en créole, mais l'intention n'est pas la même, en fait. Il y a cette forte influence de nos jours aussi du mainstream, du son, de certains sons. Je peux comprendre, mais dans le lot, je sens qu'il y en a qui se détachent quand même, qui ont cette démarche d'aller chercher, de comprendre certaines choses, de ressentir certaines choses. Mais le travail est difficile pour eux, je le sens aussi. C'est pas tout le monde non plus qui prend la dimension du travail, la dimension culturelle. On récupère quelque chose, on s'en sert, sans en comprendre forcément les fondamentaux. J'avoue que je sais que, ayant parlé avec l'un d'eux, je sais qu'il y en a beaucoup qui s'en tapent, en fait. Ils ont juste besoin d'un moyen d'expression, puis basta, quoi. Donc ça aussi, c'est un autre travail. Combat, wow, commencez ou vez yo, et sorti j'y corso, money yo c'est zéro. Allez là, c'est le droit, c'est là. Et si Bilou loi, yo voté en Léa. Là, on comprend, voté ou raconté là. Ah ouais, y'a pas au boucher, j'ai quitté là. Liberté, hein, nous comprend, nous trapper. Hein. C'est pas réalité, hein, nous en bas, j'ai mes CA. Ah, pas magie, génie, ti papa. Si j'ai l'argent qu'il a, j'ai monopoly. Hein. Maman il a, c'est là, nous inia. Nous qui fait, on songe, qui peuple là, ni doit pas. La loi, yo. La loi, yo. Pas loin, nous, maman. J'ai souhaité parler jusque-là de ta patte sonore, mais tu es avant tout MC. Gwada konetka, gwada kabatka, si ou gade ate Nina, Nina pa konet kil tilia. On parle de la perte de bibliothèques vivantes avec les maîtres du Belay. Si je me permets un parallèle avec le hip-hop, quel intérêt sens-tu à ton niveau pour ton travail dans le hip-hop? Notamment ce travail de recherche au niveau de la langue créole dans ton flow et tes lyrics. As-tu pensé à le valoriser autrement? Je suis hip-hop. Je suis dans la culture hip-hop depuis l'âge de 9 ans. J'ai jamais envisagé de m'exprimer autrement que par ma culture, le hip-hop et maintenant le Belay. Et c'est concernant Kawaii. Effectivement, c'est vrai que c'est pas toujours évident de faire passer le message, de transmettre. Le combat est difficile, malgré le fait qu'à l'heure actuelle, il y ait tous ces outils de communication, soi-disant, réseaux sociaux, etc. On devrait pouvoir communiquer plus. Mais j'ai l'impression que c'est l'inverse qui se passe, en fait. Ça renferme encore plus les gens dans des bulles, dans des tripes. Voilà mon ressenti. Que t'évoque le succès d'artistes internationaux qui vont s'approprier des genres musicaux qu'on peut qualifier de régionaux pour en faire un hip-hop, une pop, une électro, EDM, grand public? Je pense notamment à Major Lazer avec le dancehall, progressivement aussi avec la soca. Il y a la cumbia digitale en Amérique du Sud, des mouvements underground comme Zouk Bass en Europe, des DJ Electro House à La Réunion qui samplent du local. Quel parallèle fais-tu avec ta propre démarche si tu en fais un? Y a-t-il une opportunité pour ton son, même en Martinique, avec un public qui pourrait peut-être s'habituer à des mélanges nouveaux, ou un opportunisme qui te déplairait? Je dirais qu'ils font leur taf. Il y a des résultats intéressants. Après, je me méfie un peu de ce genre de démarche aussi qui a tendance à diluer la culture, à la déformer. Après, bon, il y a de l'authentique, il y a du bon. Personnellement, c'est pas trop, je me vois pas trop dans ça, quoi. C'est pas trop ma démarche. Fais-moi, bel et boom bap, c'est pas ti à faire. Hip hop créole, c'est pas ti à faire. Donc faut couper, faut l'assumer en fait. C'est pas un chemin facile. Donc moi j'ai choisi de le faire, c'est mon choix. Je me sens bien dedans, je vis bien avec. Après, faut voir pour les autres. Conlambi. Dimanche, 16h-17h. Fréquence Paris Pluriel. 106.3 www.rfpp.net. Vous écoutez Conlambi en les fréquences Paris Pluriel 106.3. Adresse internet www.rfpp.net. On remercie Boogie Flaha pour cet entretien. Et on rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas Boogie Flaha, que son album Travail Intérieur, qui est sorti il y a un petit moment, mérite toujours d'être écouté. On a parlé de plusieurs albums sortis il y a maintenant un bon petit moment, notamment l'album de son groupe Nekipaka fait la fête, c'était Made in Nina, sorti en 98. On a parlé de l'album Belay Boom Bap, sorti à la même période, même s'il n'a pas participé directement. Et maintenant, on va quitter la Martinique et on va aller rencontrer un compositeur de Guadeloupe qui s'appelle Exos, Metka Kola. Et tout de suite, on écoute Bonjour et après, on va échanger quelques mots avec lui sur sa musique. Bonjour. raconte à tout le monde qu'il a pété mon bras. Ah ouais. J'ai encore mes deux bras là, pourtant là. T'as vu? Ouais, ouais, je vois bien là. J'aimerais bien savoir ce que ça veut dire, péter mon bras. Ok. Péter mon bras. Ok, ça, péter mon bras. Messieurs et mesdames, d'emblée, on nous rassemble. Solidarité, vinra, qu'on est gâté. Les mêmes gens là, je nous qu'a fléchi. Nous qu'a fait réfléchir. Sans faire chiffrer, c'est cool l'atmosphère. Les hommes, on doit l'attraper, problème au caton. Pas même côté, si au pouvoir, on parle au caton. Ou petit, ça ou petit, ou peut faire, ça ou peut faire. Ou peut grigner si vous voulez, mais la vie là qu'a continué. Tu es l'artisan sonore du karaoké Rakou avec DJ Phony et Star G. Sur les prods de l'album de Star G 1998, on sent la patte new-yorkaise années 90 dans les rythmiques et les boucles, alors que sur le maxi du karaoké Rakou, sorti en 2000, les samples comme les rythmiques sonnent locales et vous plantez un son hip-hop qui vous est propre. Raconte-nous ton cheminement dans la composition jusqu'à ce maxi. La question est de une réponse longue. Parce qu'on parle de choses précises, l'album de Star G fait en 98 et sorti il n'y a pas longtemps. Et le maxi du karaoké Rakou créé et sorti en l'an 2000. Donc en fait, moi je faisais du son depuis longtemps. Enfin du son, non, on ne dit pas ça comme ça. Je jouais de la musique, du piano depuis petit. Et à l'époque, je composais 2-3 trucs. J'écrivais 2-3 mélodies que j'avais trouvées comme ça sur des partitions. Et le hip-hop, c'est des années après ado, dans les années 80-90, la rencontre avec le hip-hop et la durée vraiment intense de l'esprit hip-hop. 80-90, ben, j'ai fait comme tout le monde dans les disciplines du hip-hop. Je me suis intégré dans tout ce que je pouvais. Je fais du tag, du graffiti, un peu de regarder la danse, mais jamais en ne faisant vraiment. Et MC et DJ, c'était plus mes trucs. DJ, c'est celui qui joue la musique dans le hip-hop, donc c'est aussi musical. Et par la suite, naturellement, je suis devenu beatmaker et DJ en même temps. Et je rappelle, j'étais aussi MC avec mon crew, Karaoke Rakou, dans le même élan. En parallèle, et je dirais même avant d'être dans un groupe, tout ça, et d'être un rappeur ou un DJ, je faisais des remixes de sons que j'avais en cassette avec un autre lecteur cassette. Donc je faisais un peu ce qu'on peut dire techniquement du montage, mais avec des cassettes pour faire mes propres mix de trucs pop, rock, Prince, des machins que j'aimais, même les fins de sons de funk, c'est chic, etc. Et des cassettes, je les montais déjà. Ensuite, je faisais déjà mes propres instrus avec des vinyles copiés sur des cassettes, remontés pour faire un instru, un beat, un refrain, tout ça. Et là, j'ai commencé à pratiquer ce que je savais faire avec des cassettes dans le hip-hop quand j'ai fait le crew avec Star G, BBG, Tismé, Phony, Hammer, Phoenix. Donc, naturellement, tout ça, ça a contribué à passer de quelqu'un, d'un gosse qui fait de la musique à un hip-hop DJ qui fait des beats. Et pour le karaoke Rakou, je faisais des beats, mais j'étais pas le seul. Il y avait aussi DJ Phony, il y avait Star G et aussi Dupsis qui commençait, mais qui avait pas beaucoup de production sur nos sons. Par contre, une coprode dans Pétance Danse, le titre qui a la vidéoclip du karaoke Rakou, justement du maxi de l'an 2000. Donc la différence avec les deux, l'évolution du 98 à 2000, c'est juste que l'album de Star G, c'était plus un album personnel, un rêve soit personnel de réaliser un album de MC bien trempé, bien hip-hop à la KRS-One. Et ça s'est fait chez moi en 98, où j'avais un gros synthé, N-Sonic, un synthé sampler, PSS Plus, et lui et moi, avec un lecteur cassette, 4 pistes, on a développé la production des sons de son album, et lui-même s'enregistrait dans l'appart, en mode home studio étudiant, quoi. Et donc, ça s'est fait avec cette pure vibes hip-hop enfermée dans le Boondocks. Et c'est comme ça que ça a donné l'album 98. Le maxi du karaoke Rakou 2000, 2 ans après, c'est une volonté de l'ensemble du crew d'avoir pas juste un album solo d'une personne, mais un truc qui nous représente, une carte de visite. Et donc le son, la musique de cet album-là, de ce projet est différent parce qu'avec la prod qu'on avait trouvé, on avait comme moyen de faire un EP, donc 4 sons, et donc chaque son avait une facette un son radio, radio edit, en tout cas supposé être radio, pour que ça soit ouvert avec la voix de Jeff Joseph dedans. Un titre local, mais très accessible, qui est La Pétence Danse. Un hip-hop local, avec un bon beat local, mais en même temps bien hip-hop, avec des featuring. Donc ça s'est fait avec les frères de Mada, et c'est le son qui s'appelle NEG, Neg Nina Egwada. Donc c'était, ça veut tout dire. Et le quatrième son, c'était son à Tamboula, produit par DJ Phony, qui a des sacrés samples de guitare dedans, compas, des rythmiques vraiment pas orthodoxes pour le hip-hop boom bap. Donc ça, c'était une des facettes qu'il fallait qu'on monte dans ce projet hippie. Et donc, à titre, ça, il y avait la symbiose de tout ça, avec plein de passion, de force, de volonté, mais de déception aussi à l'époque, parce que tu faisais pas un hit comme ça, quoi. Donc c'était notre truc de l'époque, et l'évolution entre les deux musicalement, c'est ça, mon chemin aussi. Et à travers tout ça, il n'est pas moi tout seul, mais il est avec les autres, et l'évolution du son du crew, avec ce que DJ Phony amenait toujours, Star G qui a toujours une touche bien hip-hop, boom-bap, à fond, qui claque. Donc tout ça, ça contribuait, quoi. Comme les nègres qui pas qu'à faire la fête en Martinique d'ailleurs, vous semblez avoir d'abord opté pour le créole au micro avant la patte sonore locale dans les prods. Pourquoi ? Ou qu'à reconnaître nous si Tamboula ? Ou qu'à reconnaître nous si Tamboula ? Oula, la boula. Quelle est la place du tambour dans ta musique ? Ben en fait, pour recadrer bien, les nègres qui pas qu'à faire la fête pour nous, Star G, moi et les autres frères, chronologiquement, ils rappaient avant nous déjà en créole. Et ils avaient des beats américains bien lourds. Et ensuite, dans la prod, je crois qu'ils ont fait un peu comme tout le monde. C'est-à-dire comme nous aussi en Guada, je veux dire. C'est-à-dire que on a commencé par rapper en français sur des instrus à l'américaine, naturellement, parce que c'est ton influence, c'est ça que tu sais faire. C'est ça que tu entends, c'est ça que tu crois que tu sais faire, c'est ça que tu fais. Après, on est passé au créole, parce que le peu qu'on en avait, on kiffait, mais on a pris la confiance qu'on a vu aussi d'autres le faire, notamment les nègres qui n'ont pas qu'à faire la fête, quand on écoutait les émissions radio de Padbo et Shakima sur radio, je sais plus quoi son nom, si c'est Bis ou radio, bref, de l'époque, Sun, radio, ou je sais pas. Et à l'époque, on captait, on avait ces émissions-là du samedi, mais diffusées en Guadeloupe. Et donc, on entendait des casés-gorges, comme on dit là-bas, bien chirés. Et ils étaient aussi en créole. Même si les beats étaient bien américains et hardcore, j'ai le souvenir que les nègres aimaient des trucs bien, bien sanglants, quoi. Et eux-mêmes m'avaient parlé du casé-gorge, de rapper sans mic. Donc, c'est à celui qui rappe le plus fort et la plus impressionnante. Donc, nous, on a fait le même chemin en Guadeloupe. C'est juste qu'il y en a qui ont fait sans premier, il y en a qui ont suivi après. Et après, c'est devenu normal, quoi, de rapper en créole. Mais il y a l'évolution du vocal qui s'est fait forcément avant, parce que bien avant d'avoir du matos pour faire des instruments, t'as ta voix et tu sais rapper en français ou en créole si tu veux bien, donc ça va plus vite. Et après ça, la musique, ça a été naturel, parce que dans un cheminement aussi, tu échantillonnes, ou alors tu prends des vinyles de ce que t'as chez toi pour faire du hip-hop, pour faire un beat, pour faire un instru rap. Donc tu fais ce que tu as, et du coup tu tombes aussi sur une bonne moitié, sinon les trois quarts des disques de tes parents, de tes tontons et des gens qui ont des trucs caribéens, où c'est pas de la soul et du funk purement américain, donc afro-américain, donc c'est le truc caribéen, ça va de salsa à quelques-uns gros cas, à jazz caribéen, à gros cas jazz, qui, de fusion, tu vois, qui existait déjà, de trucs divers, plus large aussi, musique française. Donc c'est ces matières sonores là, ça nous ont forcément amené à faire des prods plus créoles. Et justement, le fait d'avoir des trucs créoles est devenu plus normal, quoi. Dans le son de Oka reconnaître nos Tamboula, c'est l'hymne, il y a du ka, il y a du tibwa, il y a des trucs créoles dedans. Donc s'il y a ça dans ça, donc il y a le karaoke raku. L'étape suivante, comment en arrives-tu au kako musique? Le hip-hop est trop limité? Non, le hip-hop n'est pas trop limité. C'est-à-dire qu'arriver à Kako et le hip-hop, le lien est normal, parce que justement, on échantillonnait des trucs locaux, donc le gros cas en fait partie fondamentalement. Et donc arriver à une fusion ou un mélange des genres, c'était un peu aussi un chemin que je crois que les êtres humains ont tous, et tous les peuples, en tout cas, qui vivent avec leur temps et qui n'oublient pas leurs racines. Donc Kako, c'est une volonté de ne pas faire du hip-hop gros soca ou juste du hip-hop créole. Fallait trouver un nom comme le Kaokirakou, c'est des bouga concept. Donc moi, de mon coin, j'ai cherché parce que j'étais sur la musique, sa recherche, tout ce, là où on pouvait arriver. Et donc j'ai voulu donner un nom au mouvement musical, Kako, parce que c'est cacao, c'est chocolat. C'est pas une abnégation ni du blanc, du noir, du jaune, du violet, du bleu, mais plus une fusion volontaire, quoi. Donc c'est pas une invention en soi, c'est plus une révolution, comme un truc qui revient, tourne, qui revient au même point de départ. Pas une révolution violente, mais justement une révolution. Comment dire, comme une force tranquille, une révolution qui est déjà là en fait. Donc c'est un point, c'est un tampon dans le temps pour dire boum, à ce moment ça, mais on est dans ça. Et le monde de Kako est plus que le hip-hop. Donc le hip-hop n'est pas limité, au contraire, le hip-hop est comme il est, c'est comme une musique classique maintenant. Il y a des formes, il y a des nouveaux courants, il y a des formes classiques, des formes anciennes, on dit old school, mais tout était déjà là. Et moi je suis mon chemin de Guadeloupéen, quoi. Et donc je plus largement antillais, caribéen ou homme du monde, mais je suis mon chemin naturel et il arrive à Kako. Je suis toujours assoiffé de faire du bon hip-hop, boom bap, même trap, et aussi de faire du dancehall et aussi de faire des zouks si ça me plaît, de faire toutes des formes de trucs qui me ressemblent, que je kiffe, notamment la house dans ce qu'elle a de tribal et de trans. C'est Kako à hip-hop, c'est tout illimité d'ailleurs. Et je dirais que le hip-hop même n'a pas fini de montrer ce qu'il peut faire. Que t'évoques le succès d'artistes internationaux qui vont s'approprier des genres musicaux qu'on peut qualifier de régionaux pour en faire un hip-hop, une pop, une électro, EDM grand public. Je pense notamment à Major Lazer, comme je disais tout à l'heure avec Boogie Flara, pour le dancehall, progressivement aussi avec la soca, la cumbia digitale en Amérique du Sud, des mouvements underground comme Zouk Bass en Europe. Quel parallèle fais-tu avec ta propre démarche et y a-t-il là une opportunité pour ton son avec un public local ou étranger qui pourrait peut-être s'habituer à des mélanges nouveaux? Ma réponse pour, à ce truc très large de musique fusion du monde, parce que tout ça ce sont des musiques du Kako World, je l'appelle, c'est-à-dire de tous les peuples avec leur identité qui se fusionnent avec le battement du monde, quoi, qui passe sur différentes télés, différentes radios, avec des MP3 qui tournent, des CD qui tournent. Donc tout ça, ça se voit, ça voyage plus que dans les années peut-être 40, enfin pas plus, pas sans doute, mais carrément. Donc c'est normal que tous les DJ et compositeurs du monde ils fusionnent. Je vois pas les choses comme de la récup, même s'il y a toujours eu ça. La récup, elle vient plutôt des gens qui sont pas des musiciens et qui choisissent sur quoi ils vont mettre des millions. Mais après, les créateurs, ils créent. Et donc Major Lazer faisait déjà sa fusion. Qui en a parlé encore? Le Zouk Bass. C'est Nuka Domi, c'est Zouk. Voilà. Et donc des Africains commençaient à faire. Les Africains, ils se sont mis en mettre. Ils appellent ça le Zouk Bass. Ils le font en Europe ou en Afrique. Mais ils font vraiment le truc en mode drum bass de Zouk. Donc tous ceux qui n'ont pas osé et qui ont des instruments chez eux et qui dorment et qui n'ont pas osé mettre sur un CD, ils ont dormi. Et voilà, c'est pas trop tard. Et tout ça, c'est le chemin normal du monde. Comme la nature roule du vide, je crois pas que ni moi ni quelqu'un on peut avoir un avis, juger que c'est pas bon ou c'est bon. Et moi, j'ai toujours vu ça comme une opportunité par rapport à Kako, parce que je veux sonner comme le son du monde et en même temps, qu'on voit clairement que je viens d'ailleurs d'un endroit qui est créole, un endroit qui est caribéen, et que là, on a un autre truc à amener, quoi. Et c'est pas une grande prétention, c'est juste, je trouve, une démarche normale. Et opportuniste avec ça, ben, j'ai envie de dire à tout le monde, pas d'omis, quoi. Parce qu'il faut créer, les choses prennent du temps. Et pour que quelque chose arrive à être connu, il faut pas que des filons, mais il faut du temps et du travail. Donc, moi, je suis bien content que ça se passe. Et que je suis même impatient que ça aille plus vite. Même en se concentrant uniquement sur ce qui se fait aux Antilles françaises, on constate qu'il y a beaucoup de mélanges, combinaisons peut-être opportunistes pour faire local, faire authentique le temps d'un morceau. Est-ce que tout cela est Kako? Et dans ta définition du Kako, tu dis l'équilibre consiste en un subtil dosage harmonique et rythmique. Qu'est-ce qui n'est pas Kako selon toi? J'ai un avis sur tout, comme je pense tout le monde, mais je ne juge pas, j'ai pas la démarche de juger vraiment ce qui mérite de faire du son ou pas, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Et Kako, c'est pas un truc que j'ai fait pour moi perso au départ, quoi. Les hip-hoppers ont toujours une démarche plus commerciale que tous les artistes du monde, parce que tout ce qu'ils font, ils sont dans une démarche commerciale, ce qui vient vraiment d'un esprit très ghetto, de faire du chiffre avec toute vitesse. Donc si tu veux, à l'époque de 2002-2003, ma démarche était plus de sortir du lot, et quand on vient me dire, mais c'est quoi ton espèce de musique bizarre que tu fais là, je peux dire, ah mais c'est caco, mais je ne l'ai pas fait pour que ça soit une loi ou un règlement. Et justement d'ailleurs, quand on cherche à parler de dosage subtil, harmonique et rythmique, il n'y a pas une seule formule de caco, donc il n'y a pas que la mienne qui serait la bonne, ou c'est-à-dire ma façon de mélanger. Et le mélange, des fois il est très évident, et des fois il est très subtil. Alors très évident, c'est peut-être un collage d'une rythmique groka qui tourne, et puis un beat de funk, et puis des mecs qui rappent dessus, et on pourrait dire c'est caco, et puis d'autres personnes disent mais non, c'est pas caco, c'est juste du groka avec du funk collé dessus, ou alors l'inverse, c'est du funk mais t'as mis du tambour de chez toi, de groka dedans. Donc le mélange, il peut pas être enfermé dans peut-être un seul truc. Alors il y a différentes directions, justement quand on regarde le nombre de rythmes dans le traditionnel de Guadeloupe, le traditionnel de Martinique, les traditionnels de Guyane, de la Réunion, la Cossega, tout ça. Bon ben il y a des mélanges, hein, et il y a des mélanges qui sont pas que guadeloupéens. Donc it's a caco world pour moi. Alors les gens qui ont une démarche consciente de fusion sont peut-être plus caco que les autres, et ceux qui font pas exprès, non. Mais ça aussi, ça n'a pas vraiment de sens. Donc moi, je me bats pas à dire ce qui est caco ou pas. Je ressens plus ceux qui le sont naturellement. Et quand on se rencontre, d'ailleurs, ben c'est comme si on parlait le même langage, mais on se connaissait pas. Comme si on est les enfants des mêmes parents, mais qu'on se connaissait pas, quoi. Et ben ceux qui s'approprient le mouvement, ou ceux qui sentent qu'il faut qu'ils s'en servent, ben là aussi, la nature elle suit son chemin. Hein. Parce que si toi tu fais rien avec, mais quelqu'un va prendre le truc par terre, il va le ramasser, il va faire un truc avec. Hein. Donc il n'y a pas de lutte avec ça. Il y a juste un travail à effectuer, et il doit être personnel, et il doit être en même temps collectif. Où en est-on de l'appropriation de ce mouvement par les Guadeloupéens et le monde, public, artistes, médias? Y a-t-il des artistes qui font du caco et qui se représentent en tant que tels en dehors du cercle de Exos, Caco Labo, etc.? Ben en fait, les Guadeloupéens, le monde, le public, y a pas mal de gens qui ont déjà compris c'est quoi le concept qu'on cherche à faire. Même des membres de CASAP d'ailleurs ont compris, on les a rencontrés, que ce qu'on cherche à faire, c'était leur démarche quand ils ont créé le Zouk, qui avait plein de directions, mais qui était un Zouk avec sa formule antillaise, avec des membres de Guadeloupe, des membres de Martinique, de Guyane, des gens qui ont eu des expériences. Ils ont fait le groupe CASAP et développé une nouvelle musique qui était fusionnelle, traditionnelle et moderne. Alors on est un peu dans une continuité quand on cherche à faire caco. Donc les gens qui s'approprient ou qui se sentent caco, tant mieux, je ne vais jamais me battre contre ça. Et comme j'ai expliqué, je n'ai pas fait ça pour moi perso, comme étant une marque déposée. Donc je déposais des trucs, mais pas le mélange, quoi. D'ailleurs, la musique se dépose en termes de composition, mais pas en termes de possession, quoi. Ce n'est pas un objet que tu possèdes, mais plus tu possèdes des compositions auxquelles tu as donné des noms. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et les gens en dehors du caco labo, du caocaracou, qui font du caco, j'en ai rencontré pas mal. Je leur ai expliqué, ceux qui n'étaient pas au courant du concept, ils ont adhéré, ils ont compris qu'on était dans une fusion, eux et moi, avec nos influences et nos origines diverses, nos goûts divers. Et donc le mélange étant pas enfermable dans une seule formule, tous ces gens qui fusionnent avec leur identité et la couleur moderne sont des gens qui sont dans le caco world, dans une démarche, et libre à chacun de se labelliser ça ou pas, mais en tout cas j'espère qu'il y en aura beaucoup plus, et qu'il y aura le travail personnel de chacun pour arriver à ça, et le travail collectif qui est indispensable, parce qu'il faut aussi faire des trucs ensemble. Peut-être que si on avait fait un grand projet stamponné caco musique il y a des années, déjà 10 ans passé, peut-être que tout le monde se serait dit, ah ok, un tel est caco, un tel est pas caco, ah non, ouais, les autres, tous ceux qui sont pas dedans sont pas, ceux qui sont dans ce projet sont ça. Enfin, des fois on a besoin d'étiquettes bien clairement visibles pour comprendre ou pour faire appartenir quelqu'un à quelque chose. Donc moi j'ai fait ça pour moi, les membres de mon collectif, des fois je les appelle les caco laborateurs, mais chacun a son concept. Jeff Bayer a son concept de Transbélé, il est tout à fait caco. J'ai invité dans des spectacle à Kako, on a invité dans des trucs, on échange souvent et on est sous notre vibes la plupart du temps, très clairement similaire quoi. Donc je rencontre d'autres, Inès, Jenny, David Walters, on nous parle direct, il nous a invité dans ses lives il y a quelques années au Bicréole. Donc c'est des chemins comme ça de rencontre où tu vois que les gens sont sous la démarche de fusion et les Brésiliens le font. Et une question tout à l'heure parlait de Major Lazer et de Zouk Bass et d'Amérique du Sud, justement, tout ça c'est dans chez nous aussi, ça doit être un chemin naturel et je suis content que tout le monde s'approprie des trucs ou cherche à faire des fusions. Tu développes avec le Kako Labo ou en solo beaucoup de sons non rappés, non chantés, parfois simplement avec un sample vocal qui, je suis sûr, ferait fureur sur des scènes électroniques type EDM qui supplante même aujourd'hui les artistes traditionnels dans les gros festivals. Qu'est-ce que ça t'inspire? Quelle expérience en as-tu? À quand un clip d'Exos en mode Bob Sinclair? Je dirais comme l'utilisation qu'a fait le Kako Labo, des voix, un peu le chemin aussi, le chemin du DJ, utiliser des disques, des sources sonores déjà enregistrées, des trucs, des documents sonores, mais aller chercher quelque part pour être un chercheur sonore pour aller les dégoter. Et tout ça, c'est notre chemin. Dans l'utilisation des trucs créoles, des voix, bon, le Kako Labo a essayé de faire ça partout où il passait, parce que c'était aussi notre vocation en créant le Kako Labo, c'était être un bon électronique. Donc qui dit électronique dit utiliser la matière électronique et la matière aussi informatique, et toutes les voix samplées utilisées sont ce que font les gars qui font de la house ou du son électronique, de l'EDM, du trap, du dubstep, avec le reggae, avec la funk, qui font ça avec un peu tous les styles, la musique brésilienne, samba. Et là nous on est dans notre chemin et partout où on passe on voit qu'il y a des bandes mais qu'il y a aussi des DJ électroniques. Donc pourquoi le Kako Labo n'irait pas? C'est notre volonté. On travaille sur ça. Et ça nous a amené à des endroits d'ailleurs. Jusqu'à maintenant. Du début de cette idée de Kako Labo avec Dupsis, TX, Phony était dans le crew. On a développé déjà, on a travaillé notre set d'instruments électroniques. Et en 2013, on s'est retrouvé à Puerto Rico avec deux tables qui ont des machines posées dessus, que des boutons, un tambourier Kemasta qui jouait uniquement le cas, le chacha et des petites percus, mais il se samplait lui-même et son son passait sous nos doigts. Moi je faisais aussi des trucs derrière mes machines et une artiste rappeuse créole, français, anglais qu'on appelle Flo. Donc c'était une formule où à 4 on est un band électronique qui font de l'EDM on va dire, mais en mode groka, tambouka, chacha, tiboua dans les machines. Donc tout ça je pense que c'est exportable et les DJ qui sont venus ici faire ça, ils sont pas nombreux mais il y en a déjà eu et ils étaient bien contents de rencontrer le tambourka et toutes les rythmiques que le son créole pouvait faire, notamment les jazzman. Donc ça, je pense que c'est des filons pour voyager et pour exporter notre musique, les traditionnelles comme les musiques contemporaines qu'on est capable de faire. Nous on a prévu dans le Kako Labo plein de choses mais on les a jamais encore toutes sorties parce qu'il faut de la prod, il faut des gens qui travaillent pas que la musique. Et quand tu me demandes pour un clip, on a un clip Kako Labo prévu, il a commencé il y a des mois et là il est en stand. Donc quand il va être fini, je pense que vous verrez, tout le monde verra, j'espère, et on va le faire tourner généreusement parce que c'est aussi une étape incontournable de se faire connaître, c'est avoir un visuel et aussi grâce au visuel plonger les gens dans un univers. Donc le clip, les pochettes, les images, les photos, c'est incontournable, et l'art visuel est devenu incontournable dans le Kako Labo. On souhaite avoir de la vidéo d'ailleurs, mais là aussi il faut des moyens, des gens compétents et des outils qui poussent pas aux Antilles quoi. Donc bon, c'est un chemin sur lequel on est et je pense que il va porter. Un coup d'œil à ton CV montre un nombre impressionnant de collaborations avec des artistes plus ou moins reconnus, notamment des artistes traditionnels prestigieux comme Akio, Guy Conquête. Mais on entend parler depuis un moment d'un album de l'artiste Exos. L'album Kako de référence ne serait-il pas celui-là ? J'ai eu envie de faire un album solo, dans ce sens, d'Exos depuis 2005, ouais, par là. Après le Pass de Wamridim, on va dire. Yo, même si ma bande c'est belle la dance boy, et qu'un homme boit et mine à toi des fois y'a man. Moi t'es quelque chose, t'es quelque chose ensemble. Voir ses amis y'a tout ça, t'as brûlé sur des pieds flammes. Flam, moi quand je mange ça livre, moi c'est là ça va, moi ça dit c'est là y'a ça. J'ai commencé depuis en 2005-2006 cet album. Donc des fois j'ai eu le courage de dire ah mais je suis en train de faire un album, attention. Et d'autres fois j'ai abandonné l'idée de dire, puisque tant que t'as pas fini, tu dis que mais tu en as personne n'a vu, et puis finalement t'es la personne qui m'étonne que tu vas faire mais que tu n'as jamais encore fait. Donc j'aime pas les promesses comme ça. Donc j'ai dit que je vais en faire un et je suis en train de le faire effectivement. Donc faut pas dépaler. Et ensuite, j'ai beaucoup oscillé en essayant de le faire parce que j'ai beaucoup de choses à faire, mis à part faire un album solo et dire ouais, je sais rapper, ouais, je rappe, je suis MC, je suis DJ, nanana. C'est bien, mais bon, l'important c'est le travail bien fait et qui peut impacter, qui peut, tu vois, qui peut plaire, qui peut rester dans le temps, qui est de bon goût, enfin. Tout ça, c'est ça qui m'intéresse, quoi. Donc, dire faire pour faire ne m'intéresse pas. Donc, quand j'aurai fini vraiment, je saurai vraiment vers quoi il tourne. Et quand tu me demandes est-ce que ce serait l'album Kako de référence, je ne pense pas. Parce que j'ai déjà beaucoup aussi médité sur est-ce que je dois faire en tant qu'Exos, mettre Kako là, un album Kako pour dire voilà, c'est ça Kako, tout bêtement. Ou faire juste ce qui me plaît, comme un artiste qui chante, qui rappe, enfin en tout cas qui est vocal et qui dit ah mais je veux une musique et je veux chanter ou m'exprimer dessus, donc qu'est-ce que je choisis de faire. Ben les meilleurs sont ceux que tu fais naturellement, quoi, et le dosage après c'est une stratégie de production, mais c'est pas le premier sentiment, quoi. Donc je me suis arrêté à mon sentiment premier, à ce que je ferais, c'est ce que j'aime. Donc je pense pas que ce sera un album Kako de référence, mais plus un album Kako de plus, parce qu'il y a forcément du Kako dedans. Mais un album qui a du hip-hop, qui a du Kako dedans, qui a peut-être du dancehall dedans, peut-être des trucs divers, du rock dedans, peut-être de, je sais pas, de la musique de film. Mais ce que j'aime, c'est ça que je cherche à faire. Donc si je fais un album qui a mon nom et je dis c'est moi qui le fais, je le ferai vraiment comme j'aime et pas comme je devrais, selon ce qu'on attend de moi, quoi. C'est une démarche tout à fait artistique, je crois. Serais-tu plus à l'aise dans le rôle du scientifique musical dans son laboratoire plutôt que celui du DJ ou MC star ? Je ne suis pas souvent MC, d'ailleurs, dans tout ça, parce que je passe plus d'inspiration et de temps à faire de la musique, dans mon laboratoire, comme on dit, dans mon Kako Labo perso, et ça amène une certaine paix, tranquillité dans le travail, tu travailles. Même travailler à plusieurs, il peut être intéressant, et intéressant aussi, peut-être, et ça amène autre chose, à un dépassement de soi, parce que tu fais aussi en fonction de l'autre, donc tu fais des choses que tu ferais peut-être pas tout seul comme ça, de toi-même instinctivement. J'apprécie le travail en huis clos ou en petit groupe ou en endroit apaisé, mais ceux qui me connaissent savent que j'aime aussi créer au milieu du bruit, et ça, quand je compose, je peux le faire partout. J'écris des lyrics en tant qu'MC, mais je pourrais aussi écrire des textes, être inspiré au milieu de la foule et du bruit, et trouver le moyen de le faire sur un téléphone comme on fait maintenant, en mode tactile, ou être le gars qui freestyle tout le temps, mais qui écrit jamais de texte, quoi. Et je crois que j'ai le dosage plus du musicien, et c'est pour ça que j'ai pas plus fait de son rap perso, ou en tout cas eu la démarche de les sortir, et j'espère passer, combler ce manque par rapport au public bientôt, et ou alors de plus en plus, à ma vitesse de tortue ou de poisson, lentement mais sûrement. Pas de promesse, mais some action, because action speak louder than words. The qui a coûté. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour mademoiselle. Bonjour. On remercie Exos pour cet entretien entre Paris et la Guadeloupe. On rappelle, on a parlé de un peu de quelques-uns de ses disques, de tout ce qu'il a fait. On va vous rappeler que l'album Starji et Exos a été réédité très récemment et vous pouvez aller l'acheter sur les plateformes de téléchargement, un classique du hip-hop créole. On rappelle aussi qu'Exos a composé sur pas mal d'albums sortis récemment, entre autres l'album de McFla, une trace qu'on a, McFla qu'on a interviewé dans Code Lambi Musique Jeudi, également l'album de Génie qu'on a également reçu dans Musique Jeudi, et encore plein d'artistes qui gravitent autour de la sphère Kako Musique. Donc renseignez-vous, allez sur YouTube, Facebook, tous les réseaux sociaux, allez les voir, les artistes sur scène, allez écouter tout ça. Comme on vous l'a dit, Code Lambi Musique Jeudi, on soutient toutes les créations originales, à la différence des médias qui vont davantage encourager la copie, l'imitation des productions américaines ou autres. Et donc c'est ce qu'on va s'attacher à vous présenter à chaque émission Musique Jeudi, premier dimanche de chaque mois. Et bien on va se quitter sur ça, on remercie nos deux invités, Boogie Flaha, Exos, Belle Boom Bap, Kako Musique. C'était EDS, à la prochaine.